Un film, un livre, et soudain, l'une des figures les plus emblématiques de l'Afrique ressurgit devant nous, celle de Patrice Lumumba, symbole des luttes de décolonisation, porte-drapeau d'un continent qui voulait à la fois se débarrasser de la tutelle blanche et lutter contre ses propres démons, à commencer par le tribalisme, le racisme et la division. 40 ans après l'assassinat de Lumumba, ces questions demeurent tragiquement d'actualité, y compris dans son propre pays, le Congo, devenu Zaïre, puis République démocratique du Congo, mais plus que jamais miné par la guerre civile et la corruption, en proie à toutes les convoitises. Un film, il s'agit de l'œuvre du cinéaste Raoul Peck. Sorti sur les écrans au mois d'octobre, il retrace la vie et la mort de Patrice Lumumba. Un livre, publié au début de l'année en Belgique, il a fait scandale. Son auteur, le sociologue Ludo De Wit, dénonce, preuves et témoignages à l'appui, l'implication de son pays dans l'assassinat du leader congolais. Cet ouvrage a eu un tel retentissement chez nos voisins qu'une commission d'enquête parlementaire s'est emparée de l'affaire et que le gouvernement belge a affirmé vouloir faire toute la lumière sur les responsabilités des autorités de l'époque. Même la monarchie a accepté d'ouvrir ses archives à titre exceptionnel. J'ai donc tout naturellement demandé il y a quelques semaines à M. X s'il disposait d'informations particulières sur ce dossier. Et lors de notre dernière rencontre, il m'a livré ce qu'il savait de cette affaire. Mais avant d'entendre ces révélations, je crois qu'il n'est pas inutile de se replonger un instant dans les archives de l'époque. Et en passant simplement en revue les gros titres de la presse occidentale, on se rend tout de suite compte que la personnalité de Lumumba a déchaîné les passions. Les passions et la haine. Quelques exemples édifiants. L'Express titre « Le diable, le prophète et le voleur ». Pour le Daily Telegraph, c'est un clown. Un chien pour le Daily Mail. Un sorcier noir pour Paris Presse. Et pour d'autres journaux, Lumumba est aussi l'abominable homme des neiges, le yéti, le singe, le macaque, l'étrangleur, l'africain, le satyre, le sauvage, le primaire, la créature communiste, l'hystérique, le fanatique. Quant au Guardian britannique, il conclut l'un de ses articles en écrivant « Il n'y a pas de quoi rire ». Non, effectivement, il n'y a pas de quoi rire lorsqu'on évoque le martyr et la mort de ce jeune leader anticolonialiste. Patrice Lumumba n'avait que 35 ans lorsqu'il a été assassiné le 17 janvier 1961. Je vous ai déjà parlé du Congo belge. Oui, en particulier à propos de la mort mystérieuse du secrétaire général de l'ONU. Oui, Dag Hammarskjöld. Ouais, qu'on appelait Monsieur H. Une mort qui n'est d'ailleurs plus si mystérieuse que cela, puisque je vous ai expliqué pourquoi et comment le secrétaire général avait été supprimé lors d'un vol qui l'emmenait au Katanga. Oui, je me souviens parfaitement. Ouais. Alors une nouvelle fois, je vous rappelle que ce gigantesque pays, grand comme 4 ou 5 fois la France, recèle des richesses considérables, ce qui n'empêche pas ses habitants d'être parmi les plus pauvres du monde. Mais pour bien comprendre, il faut remonter à l'histoire du Congo belge. Un peu d'histoire, alors je vous écoute. À la fin du 19e siècle, avec l'accord des grandes puissances européennes, cet immense pays devient la propriété personnelle du roi des Belges, Léopold II. Propriété personnelle du roi et donc et non du royaume. Exactement. Dire, ouais. Léopold investit sa propre fortune dans la colonie privée et exploite systématiquement les richesses du Congo. Oui, c'est-à-dire les richesses minières. Hein, oui, ouais. Enfin celles qu'on trouve dans le sous-sol du Katanga au sud du pays. Cuivre, cobalt, diamant et plus tard l'uranium. Mais il y a aussi l'ivoire et le caoutchouc. Et disons-le tout de suite, cette exploitation du Congo est féroce et meurtrière. Ouais, c'est-à-dire ? Les autochtones sont obligés de travailler pour le roi. Ouais, du travail forcé, donc, c'est ça. C'est cela, oui. Lorsqu'ils refusent, ils sont battus, parfois même tués. Là, certains historiens estiment qu'en 20 ans, peut-être 10 millions de Noirs ont payé de leur vie cette exploitation de leur terre. C'est un véritable génocide, hein ? Oui, un holocauste sur lequel on fermera trop longtemps les yeux. Pensez qu'on va appeler le Congo le pays des mains coupées. Seuls quelques rares témoins, comme l'écrivain Joseph Conrad, dénonceront cette sauvagerie. En tout cas, sous la pression de l'opinion internationale, surtout américaine, Léopold II finit quand même par passer la main en 1908, je crois. Et que devient le Congo, alors ? Il est cédé à l'État belge. Mais ce sont de grandes compagnies, et surtout la Société Générale de Belgique qui succède au roi. Et l'exploitation continue. Aussi brutale ? Non, on a sauvegardé les apparences. Mais enfin, fondamentalement, rien n'a changé. Les sociétés belges et l'administration maintiennent les indigènes dans une suggestion totale, et les punitions corporelles sont toujours d'actualité. Il y a d'un côté les maîtres, les blancs, et de l'autre côté les travailleurs manuels, c'est-à-dire les noirs. Toute une population de sous-citoyens qui n'ont pas le droit à la parole et ne doivent interférer en rien dans la gestion de la colonie. Mais tout de même, après la Seconde Guerre mondiale, et l'émergence des mouvements d'émancipation, Les choses doivent changer. Non, très timidement. Au début des années 50, les Belges inventent une nouvelle caste. Que voulez-vous dire, hein? Ils créent, pour certains Africains, une carte dévoluée. Dévoluée, c'est-à-dire des Africains supérieurs. Oui, voilà, des Congolais dignes d'accéder à la propriété et d'occuper quelques postes dans l'administration. Enfin, rassurez-vous, ils ne seront qu'une poignée à recevoir cette carte. À peine un millier sur 13 millions de Noirs. Non, en effet, on ne peut pas être plus prudent. Oui, c'est vrai. Et c'est grave. Mais pourquoi? Ben, écoutez, je ne vais quand même pas me faire le défenseur de la colonisation à la française, car nous aussi, nous avons commis beaucoup de fautes et même des crimes. Enfin, il faut quand même reconnaître que nos administrations coloniales se sont efforcées de former des élites, des hommes qui, au moment de la décolonisation en 1960, permettront d'assurer plus ou moins bien la transition. Au Congo belge, rien de cela. Non, songez qu'au sein de la force publique, c'est ainsi qu'on appelait l'armée congolaise, aucun Africain n'avait un grade supérieur à celui de sergent. Tous les officiers étaient donc belges. Naturellement. Et quand je vous dis que ça a été très grave, c'est que lorsque la Belgique va être obligée de concéder l'indépendance aux Congolais, il ne se trouvera qu'une poignée d'hommes pour diriger le pays. Et l'état de délabrement dans lequel se trouve aujourd'hui le Congo est sans doute une conséquence directe de cette impréparation. Alors merci pour ce petit cours d'histoire qui était parfait, mais venons-en à ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors, Lumumba, hein. Et d'abord, lui, est-ce qu'il faisait partie de cette petite caste des évolués? Tout à fait. Il a d'abord fait des études plutôt chaotiques dans des écoles religieuses. Catholiques? Et protestantes. Ah, bon, les écoles congolaises étaient toutes sous la coupe des églises. Donc, après ses études médiocres, il quitte sa région natale. Et d'où venait-il ? Du Kassai, au centre du Congo. Il appartenait à une ethnie minoritaire dont j'ai oublié le nom. Mais il faut que vous sachiez qu'il existe au Congo plus de 200 ethnies différentes, d'où l'âpreté et la violence des luttes tribales. Ouais. Lumumba quitte donc les siens et où est-il ? Il se rend dans la grande ville de Stanleyville, au nord du pays. Alors qu'il n'a que 18 ans, il obtient un poste de comptable à la poste. On est alors en quelle année ? 1944 ou 1945. Et si on le confie ce poste, c'est qu'il a donc une certaine instruction. Incontestablement. Et le jeune Patrice Lumumba ne va avoir de cesse de continuer à apprendre et à lire. Il va même prendre des cours du soir. Et il s'intéresse déjà à la politique, là ? Certainement. Et très vite, tout en grimpant quelques échelons dans l'administration postale, il commence à se faire connaître. Quelle façon ? Ben, il s'engage dans les quelques associations culturelles ou tribales qui sont tolérées par l'administration belge. Mais à cette époque-là, c'est-à-dire pendant, en gros, les années 50, hein, est-ce que c'est déjà un partisan de l'indépendance ? Oui. Oui, parce qu'il constate que les Africains dans leur propre pays sont considérés comme des mineurs. Il le constate lui-même dans son métier où les Blancs qui occupent le même poste que lui sont mieux payés. Enfin, toutefois, il faut le souligner, Lumumba n'est pas anti-belge. Hein. La preuve, c'est qu'à l'occasion d'une visite du roi Baudouin, il est même reçu en audience privée par le monarque. C'est donc une figure de la petite élite africaine. Oui, Lumumba est intelligent, il parle bien, il est donc remarqué. Au milieu des années 50, il s'envole pour la Belgique. Pour quelle raison là ? Il veut rencontrer les milieux progressistes. C'est donc un voyage politique. Oui, ça va lui coûter cher. Expliquez alors. Pour effectuer ce voyage, Lumumba, qui n'a pas d'argent, puise dans la caisse de son administration. Une somme qu'il rembourse dès son retour, mais il est pris, et ça va lui coûter un an de prison. Un an de prison, c'est cher payé. Assurément. Mais Lumumba est un noir, ne l'oubliez pas. Et pendant sa détention, le futur leader lit et écrit. Des écrits politiques, j'imagine ? Bien sûr. Et le livre qu'il va publier à sa sortie de prison n'est nullement un brûlot. Lumumba plaide pour l'instauration d'une société mixte. C'est une société mixte, c'est-à-dire où Belges et Congolais auraient leur place. Oui. Lumumba a été non seulement influencé par son éducation chez les religieux, mais ses lectures ont fait de lui un homme tolérant. Ses lectures ? Rousseau, Hugo, les révolutionnaires de 89. Alors pour vous, ce n'est donc nullement un extrémiste ? Non. On est alors en 56 ou 57 quand il publie ce livre très modéré. Mais les choses vont brusquement s'accélérer. 3 ans plus tard, 3 ans seulement pour les Belges, mais aussi pour la plupart des Occidentaux, Lumumba deviendra cet Africain au couteau entre les dents qui ne rêve que d'assassiner les Blancs et de déposséder les sociétés coloniales. Qui était Patrice Lumumba et comment est-il devenu celui qui personnifiera la révolte des Africains contre le pouvoir blanc ? Dans le Mémorial de notre temps de 1961, une publication de Paris Match, je lis ceci et d'abord cette citation, « Souvenir » de l'éducation religieuse du jeune Lumumba. Pour te faire oublier que tu étais un homme, on t'a appris à chanter les louanges de Dieu. Mais en ton cœur de créature humaine, tu ne demandais guère que ton droit à la vie et ta part de bonheur. C'est le point de départ, celui du petit paysan élève, des pères catholiques puis des pasteurs protestants. Un acharné, très vite, il gravit les échelons de l'échelle qu'on lui présente, études secondaires, fonctionnaire dans les PTT, mariage avec Pauline au visage lisse, enfant, maison dans la capitale. Excellent élément, mais dangereux, note un rapport. Il demande, et obtient, la carte d'immatriculation à une élite noire. Mais, même immatriculé, un nègre reste un nègre. À 27 ans, Patrice Lumumba a atteint le sommet accessible, celui où se côtoient les subalternes et les sergents. Plus haut, il n'y a plus que des blancs. Un rêve à l'échelle de tout un continent. Alors il travaille, il lit, écrit, discute, voyage. 1955, il participe au cercle libéral. 1957, il devient président de l'association du personnel indigène de la colonie et à ce titre est envoyé en Belgique pour un voyage d'études. Première faute, il est accusé d'avoir pris de l'argent dans la caisse de son administrateur et il est condamné. Naturellement, tous les nègres sont des voleurs, Lumumba est un voleur, donc Lumumba est bien un nègre. Plus tard, il dira, cet argent-là appartenait au Congo et il luttera contre les ministres parvenus qui chercheront à arrondir leur portefeuille. Oui, vraiment, tout va aller très vite. Dès 1958, les Belges comprennent que ça va craquer un jour ou l'autre au Congo. Et ils ouvrent un peu les vannes. C'est-à-dire ? Bah, ils autorisent les partis politiques autochtones. Alors Lumumba se lance ? Ah, il n'est pas le premier, non. Deux autres dirigeants politiques le précèdent. Deux hommes qui compteront d'ailleurs parmi ses plus féroces adversaires, Kazavubu et Tshombe. Mais et tous deux créent des partis qui sont en fait des organisations tribales. Ouais. Pour Tshombe, donc, je pense les tribus du Katanga, c'est et ça et pour Kazavubu, le rassemblement de la puissante ethnie Bakongo, qui est d'ailleurs installée de part et d'autre du fleuve Congo. Ouais. Et donc, ça veut dire que les Bakongo vivent au Congo français, hein, le Congo Brazza, comme on l'appelait autrefois. Tout à fait exact. Mais Lumumba, lui, ne veut pas créer un parti dont la raison d'être pourrait être ethnique. Parce qu'il connaît le danger du tribalisme et parce qu'il devine ses excès. Et c'est vrai qu'on ne comprend rien à l'Afrique si on ne commence pas par analyser le fait tribal. Par conséquent, Lumumba fonde une organisation à la fois nationaliste et unitaire, le MNC, le Mouvement National Congolais. Un mouvement ouvertement indépendantiste. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas le nier que peu à peu, sous la pression des événements, Lumumba va se radicaliser. Et dès la fin de l'année 58, il lance son mouvement dans une grande campagne pour l'indépendance. Pour les autorités belges, c'est une véritable provocation. Résultat, Lumumba est à nouveau jeté en prison. Est-ce que la campagne cesse pour autant ? Non, d'autant qu'elle est maintenant relayée par les autres partis, en particulier par le mouvement des Kazavubu. Et au début de l'année 59, alors que Lumumba est toujours emprisonné, la force publique commandée par des officiers belges réprime violemment une manifestation indépendantiste. Plusieurs dizaines de Noirs sont tués, peut-être même des centaines. Et c'est le début de la fin de la colonisation belge. Ouais, pourquoi ? Parce que les Belges comprennent que l'indépendance est inéluctable ? Je crois, oui. Et puis, il y a le détestable exemple français. Ouais, mais attendez, la France ne décolonisera en Afrique noire qu'un an plus tard. Oui, mais enfin, il y a la guerre d'Algérie et l'enlisement qui s'ensuit. La répression n'est donc pas efficace. Ouais. Alors, les Belges sont décidés à céder ? Tout à fait. Mais entendent le faire dans les meilleures conditions possibles. Les meilleures pour leur intérêt, bien entendu. Oui, leurs intérêts économiques, vous voulez dire, c'est évidemment. Ça fait quand même des dizaines d'années que la Belgique prospère en partie grâce aux ressources du Congo, elle n'est pas prête à tout laisser tomber. Alors, comment les autorités belges comptent-elles procéder ? Eh bien, elles vont favoriser l'accès au pouvoir des plus modérés des leaders indépendantistes noirs, avec l'idée que ceux-là, au moins, leur permettront de continuer à vaquer à leurs petites et grandes affaires, y compris en corrompant ses dirigeants. L'indépendance va donc être proclamée. Hein ? Elle est prévue pour le 30 juin 1960. Mais auparavant, contre toute attente, c'est Lumumba qui gagne les premières élections. Alors, entre-temps, j'imagine qu'il a été libéré, non ? Bien sûr. Cette victoire du parti de Lumumba, c'est un coup dur pour les Belges. Mais heureusement pour eux, à la présidence de la République, c'est un modéré, Kazavubu, qui est élu. Et déjà, pour miner le nouveau pouvoir et mettre en sécurité leurs entreprises, ils préparent en sous-main la sécession de la province la plus riche. Katanga ? Oui. Et avec la complicité de Tshombe, celui qu'on appellera plus tard Monsieur Tiroir-Caisse. C'est ça, et donc très vite, la situation va se tendre. D'autant que dès la proclamation officielle de l'indépendance, Lumumba, qui a été nommé Premier ministre, met les pieds dans le plat. Si vous me pardonnez cette expression triviale. Je vous en prie. Et comment ? Ce jour-là, il y a du beau monde à Léopoldville et le roi Baudouin a fait le déplacement. Il prononce un discours gentil et plutôt paternaliste. Et le président Kazavubu lui donne la réplique sur le même ton. Mais soudain, Lumumba prend la parole et il se livre à un violent réquisitoire contre la puissance colonisatrice. Et si je comprends bien, ça n'était pas prévu ? Absolument pas, non. Car non seulement Lumumba ne remercie pas les Belges d'avoir octroyé l'indépendance à son pays, mais il dénonce toutes les exactions qui ont été commises par les Blancs au Congo. Et ça fait scandale. Oui, le roi est choqué, le roi, mais aussi tous les Belges présents, et les représentants des puissances occidentales. Pourtant, au fond, Lumumba n'a fait que dire la vérité, non ? C'est vrai, mais toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. Et je crois que c'est ce jour-là que le destin de Patrice Lumumba a été scellé. Vous voulez dire que c'est ce jour-là qu'on a pris la décision de se débarrasser de lui ? J'en suis certain. Et la suite des événements va me donner raison. Car je me répète, tout va aller très vite. Alors racontez. Comme s'il voulait répondre à Lumumba, le général qui commande la force publique congolaise. C'est un Belge. Bien entendu. Bon. Donc ce général, 3-4 jours après la proclamation de l'indépendance, refuse l'africanisation de cette armée. Ça ressemble ça à une provocation. Hein. Tout à fait, une provocation préméditée. Et ça se traduit immédiatement par la rébellion des soldats congolais. Une rébellion contre leurs officiers belges. Oui, et comme faut s'y attendre, le premier ministre Lumumba soutient les rebelles et démet ce général. Est-ce qu'il nomme des officiers africains? Oui, il faut bien. Et parmi ceux-là, il y a un ancien sergent qui est catapulté chef d'état-major. Qui est celui-là? Le colonel Joseph Mobutu. Un homme qui est en principe le fidèle de Patrice Lumumba. En principe seulement, hein, ouais. C'est ça. Dès cette époque, Mobutu est un homme des Américains. Mais Lumumba ne le sait pas et il le paiera de sa vie. Mmh. Attendez, que viennent faire les Américains cette histoire? Ce sont les intérêts belges qui sont d'abord en cause. D'accord, mais ce n'est nullement contradictoire. Les intérêts belges sont d'abord des intérêts occidentaux. Et les États-Unis ne peuvent pas rester indifférents. D'autant qu'on dit déjà que Lumumba est un marxiste. Puis il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier. Quoi? L'uranium. Les bombes atomiques américaines sont fabriquées avec de l'uranium congolais extrait au Katanga, vous comprenez maintenant? Je commence à mieux comprendre. Hein. Et dès le 11 juillet, soit 11 jours seulement après la proclamation de l'indépendance congolaise, le Katanga fait sécession. Avec l'appui des forces militaires belges et l'approbation tacite des États-Unis et l'aide de quelques mercenaires blancs. Mais ce qu'on appellera les affreux. Mais enfin, il y a aussi tous ces troubles qui vont secouer le pays. C'est juste, mais il faut faire la part entre la réalité de ce qui se passe sur le terrain et les rumeurs qui sont propagées en Occident. Ce qui signifie, selon vous, qu'on assiste à une manipulation de l'opinion? Incontestablement, je ne dis pas que les Congolais ne se livrent pas à des exactions contre la population blanche, mais tous ces faits sont exagérés. Et dans quel but alors? D'une part, il s'agit de justifier l'intervention militaire de l'armée belge, et d'autre part, à l'abri de ce rideau de fumée, il faut permettre à Tshombe de réussir la sécession au Katanga. Ouais, donc de protéger les intérêts belges dans cette riche province. Naturellement, j'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que le troisième objectif est clair. Il s'agit de diaboliser Lumumba et donc de justifier son élimination future. 30 juin, proclamation de l'indépendance du Congo. Un jour décisif, a dit Monsieur X. À cause du violent discours que Patrice Lumumba prononce devant le roi Baudouin. Un discours qui va décider de son sort. Un discours applaudi par tous les Congolais présents et qui scandalise les Européens. En voici un extrait. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir on disait « tu », non certes comme à un ami, mais parce que le « vous », honorable, était réservé au seul blanc. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom de textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître que le droit du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'une justice d'oppression et d'exploitation. Un discours de mauvais goût pour l'ambassadeur Robert Murphy, qui dirigeait la délégation américaine lors de ces cérémonies de l'indépendance. On ne peut pas être plus clair. L'ONU va assez vite intervenir au Congo. Oui, dès le mois de juillet 1960. Mais à la demande de qui, alors? C'est Patrice Lumumba lui-même qui fait appel à l'ONU. Mais pour quelle raison? À cause de l'activité de l'armée belge sur le territoire congolais. Une activité que Lumumba, premier ministre d'un État indépendant, assimile à une agression extérieure. D'ailleurs, dès la mi-juillet, le gouvernement congolais rompt ses relations diplomatiques avec Bruxelles. C'est donc la crise. Oui. Et les casques bleus débarquent au Congo. En effet. Autant vous le dire tout de suite, l'attitude de l'ONU dans cette affaire n'est quand même pas très claire. Qu'est-ce qui n'est pas clair? D'abord, l'organisation internationale, tout en demandant aux forces militaires belges d'évacuer le pays, ne condamne pas formellement la Belgique. Mais surtout, en refusant d'intervenir au Katanga, l'ONU encourage indirectement la sécession de Tshombe. Ouais. Vous voulez dire qu'il y aurait pu avoir une sorte de collusion entre l'organisation internationale et les Belges? Ça me paraît évident, et là encore, à mon avis, il faut y voir la main de Washington. Pourtant, et c'est à noter, Lumumba fait un geste en direction des États-Unis. Quel geste? Il se rend à Washington et il demande l'aide des États-Unis. Et est-ce qu'il l'obtient? Non, il reçoit une fin de non-recevoir. Et c'est seulement ensuite qu'il se tournera vers Moscou. Sans grand résultat. Ouais, mais ça permettra de lui coller une image de communiste. Exactement. Mais quand même, je m'interroge, moi, pourquoi ce refus de Washington, puisque les Américains, m'avez-vous dit, avaient de l'œil sur le Congo et ses richesses? Pourquoi? Mais parce que les États-Unis avaient déjà pris leur décision. Et quelle décision? Celle de se débarrasser de Lumumba. Parce qu'ils ne voyaient aucun moyen de composer avec lui. Non, Lumumba leur paraissait trop dangereux et pour tout dire incontrôlable. Ou susceptible de choisir un jour le camp de l'Est ? Bien sûr, tout cela a joué. Et les Américains, c'est-à-dire la CIA, ont pris leur décision d'autant plus vite que Lumumba, avec ou sans l'ONU, était vraiment décidé à en finir avec la sécession katangaise. Mais quand la CIA envisageait-elle de se débarrasser du leader congolais ? Ben d'abord en essayant de le mettre hors jeu. Oui, enfin, politiquement hors jeu. Évidemment, et ça commence dès le mois de septembre. Le président Kasavubu décide soudain de démettre Lumumba, son premier ministre. Réaction de Lumumba ? Elle est très vive. Il démet à son tour le président et obtient les pleins pouvoirs du Parlement. Il a donc momentanément gagné. Ben, sauf que Mobutu... Mobutu, l'homme des Américains. Oui, Mobutu donc travaille dans l'ombre et prépare un premier coup d'État. À la mi-septembre, c'est fait. Sous prétexte de mettre d'accord Kasavubu et Lumumba, Mobutu désigne un collège de commissaires chargés de gouverner le pays. Mais en fait, c'est lui qui, de fait, prend le pouvoir. Et Lumumba, alors ? Bon, il pense toujours bénéficier de la confiance de la population et pense toujours lancer ses troupes contre les sécessionnistes de Moïse Tshombe. Mais bientôt, Mobutu va l'arrêter. En octobre, je crois. Mmh. Et il l'assigne à résidence. Okay. Mais je voudrais revenir à ce que vous disiez plus haut. Là. Les Américains, disiez-vous, voulaient d'abord abattre politiquement Lumumba. Et ensuite, envisageait-il aussi des moyens plus radicaux ? Oui, et c'est allé très loin. C'est-à-dire ? Ben, ils ont pensé le faire assassiner, tout simplement. Je peux même vous révéler qu'un agent de la CIA a apporté à Léopoldville un poison, à cet effet. Un poison contenu dans une seringue hypodermique. Un de ces produits mitonnés dans les laboratoires secrets de l'agence. Un produit qui ne laisse pas de traces. Mais ce poison n'a pas été utilisé. Non, pour des raisons que j'ignore, d'ailleurs. La CIA a aussi envisagé de faire appel à un tueur professionnel, mais là encore, les Américains ont dû sursoir. Ouais, pourquoi alors ? Parce que ce sont les Belges qui vont prendre le relais. Et au fond, je suis sûr que les gens de la CIA n'ont pas été mécontents de leur passer le bébé. Une question, même, avant d'aller plus loin. Ces initiatives de la CIA avaient-elles reçu l'aval du gouvernement des États-Unis ? Oui. Mais le président Eisenhower en personne n'avait acquiescé. Pour lui, comme pour le chef de la CIA, Allen Dulles, Lumumba, c'était un autre Castro. Ah, il convenait donc de l'assassiner au plus tôt. Oui, mais enfin, vous savez, nous en avons parlé à propos d'autres affaires. Ike, ce président si souriant, était un vrai dur. Oui, son sourire faisait illusion. J'en suis persuadé. Ouais. Donc ce sont les Belges qui vont s'occuper de liquider Lumumba, c'est bien ça ? Oui. Mm-hmm. Mais quand vous dites les Belges... Les autorités belges, oui. C'est-à-dire le gouvernement soutenu, encouragé par les sociétés qui vivent des richesses du Congo. Et on en a la preuve ? Ont même des preuves écrites. Le ministre des Affaires africaines, le comte d'Aspremont Linden, a même signé une note recommandant l'élimination définitive de Lumumba. Ça, au moins, c'est clair, n'est-ce pas ? Et les Belges vont passer à l'action ? Ils en ont l'intention, c'est certain. Ils ont même élaboré un plan, recruté un commando. Mais Lumumba leur complique la tâche. Il faut se compagner à ses geôliers. Parce qu'ils se sont menacés. Certainement, oui. Mais est-ce que Lumumba espère reconquérir le pouvoir ? Lumumba sait qu'il est encore très populaire et qu'il compte toujours de très nombreux partisans dans son fief de Stanleyville. Et la suite va lui donner raison. En route pour la grande ville du Nord, Lumumba est acclamé dans tous les villages qu'il traverse. Et c'est plus que n'en peuvent supporter Mobutu et ses employeurs américains et belges. Lumumba est donc rattrapé fin novembre par des militaires dévoués à Mobutu. Il est ramené à Léopoldville ? Oui, il est sévèrement passé à tabac. Puis il est enfermé, sans qu'à aucun moment l'ONU, qui n'ignore rien de sa situation, ne songe à intervenir. Ouais. Emprisonné, il est neutralisé ? Bah, ça ne suffit pas. Tant qu'il est vivant, il peut être dangereux. La meilleure preuve, c'est qu'au début de l'année 61, des troupes se mutinent et réclament sa libération. Alors il faut faire très vite. Et la fin de Lumumba va être sordide. Sordide. Racontez. Mobutu ne veut pas endosser la responsabilité de son assassinat. Et pour des raisons évidentes, les Belges ne désirent pas non plus être directement mêlés à l'affaire. Même si, à l'évidence, ils sont dans cette affaire les vrais commanditaires du meurtre. Alors, que fait-on ? D'une façon très machiavélique. On embarque Lumumba et deux de ses compagnons dans un avion militaire direction Elizabethville. Katanga. Oui, j'ai son pire ennemi, Tshombe. Et c'est terrible. Ça commence dans l'avion où à nouveau Lumumba est tabassé. Puis il est enfermé quelques heures avec ses compagnons dans une villa où, sous les yeux de Tshombe et de quelques-uns de ses ministres, il est violemment à nouveau passé à tabac. Et puis dans la nuit même, en forêt, les trois hommes sont fusillés. Ce sont des Katangais qui les ont tués ? Oui, mais ce sont des officiers belges qui ont commandé le feu. Et c'est un commissaire belge qui, plus tard, s'occupera de faire disparaître les corps de ces martyrs en les dépeçant et en les plongeant dans un bain d'acide. Oh là là. Et officiellement, comment explique-t-on la disparition de Lumumba ? Bon, c'est très simple. Lumumba s'est évadé, il a été tué par des villageois. Ouais. Une autre version de la corvée de bois. C'est à peu près cela, oui. Enfin, pour les autorités belges, c'est tout bénéfice. Non seulement ils en ont fini avec Lumumba, mais ils ont mouillé leur allié Tshombe. Tshombe qui, désormais, ne pourra rien leur refuser. On l'a entendu... Les autorités katangaises ont justifié la mort de Patrice Lumumba en prétendant qu'il s'était évadé et qu'il avait été ensuite tué par des villageois. Une version complètement fausse, bien entendu, mais une version qui a été en partie suggérée à Tshombe par un Français, le colonel Trinquier, qui avait été alors pressenti pour diriger la fameuse gendarmerie katangaise. L'officier français le raconte assez crûment dans son livre « Le temps perdu » paru chez Albin Michel. Un ministre katangais, M. Kibwe, vient de lui raconter comment Tshombe a fait personnellement exécuter Lumumba et ses deux amis. Et voici le discours que lui tient Trinquier. Il reste un procédé infaillible, vieux comme le monde, qui peut dégager votre responsabilité. C'est à M. Monongo, ministre de l'Intérieur, de l'annoncer aux journalistes. Voici ce qu'il devrait dire. Considérant la personnalité des détenus arrivés chez nous dans un triste état, nous les avons enfermés dans une villa éloignée d'Elisabethville, relativement confortable. La surveillance n'était pas sévère. Ils ont mis à profit ces circonstances pour tenter de s'évader. Les gardiens alertés ont ouvert le feu. Tous les trois ont été abattus. Nous avions l'intention de les traduire devant un tribunal. Lorsque les passions seraient apaisées, nous regrettons leur disparition. Mais pour éviter tout incident, pendant un certain temps, nous maintiendrons secret le lieu de leur sépulture. Cela étant dit de la façon la plus brève et la plus nette, M. Monongo ne répondra à aucune question des journalistes et considérera l'incident comme clos. Mais il est vrai que le colonel Trinquier, adjoint du général Massu pendant la bataille d'Alger, avait une certaine expérience. Je vous rappelle enfin que le sociologue belge Ludo De Wit a publié aux éditions Cartala un livre très complet, très précis sur cette affaire, un véritable réquisitoire contre les autorités de son pays.